Ah, mes amis, vous avez vu ça? Ça y est. Hein? Ils l'ont fait, ces enfoirés de députés. De quoi? Ils ont fait passer la loi anti-homophobie. Fini la liberté d'expression, terminé le langage fleuri pour décrire nos amis du fion qui baillent. Oh non, ça recommence. Depuis hier, on m'a installé ce buzzer de merde. Chaque fois que je tiens des propos homophobes, ça part. En plus, c'est une machine vicelarde, mon Christophe. Elle va jusqu'à interpréter mes expressions. Alors bien sûr, elle s'emballe, c'est normal quand je dis des trucs du genre tapette, pédale, empaffé, cramefion, etc. Mais en plus, on peut même pas ruser. On peut pas utiliser d'images discrètes et suggérées. Regardez, démonstration. Tu vois, hier j'ai passé l'après-midi avec un ami mange-fesse. J'ai reçu une invitation pour la prochaine Gay Pride. Ah, ils sont sympas ces pousse-crottes. Bref, on peut plus rien dire. Alors, le plus drôle, c'est les... Non, le plus drôle, c'est que, pardon, c'est les non-PD que ça... Ça va, que ça gêne. Moi, mes potes de la braguette arrière, c'est... Putain de machine. Je disais, mes potes de la... Ça les fait marrer quand je les appelle de façon imagée. Bon, maintenant, les amis, je vais vous laisser. J'ai un voisin qui a besoin de moi. Dans son jardin, il a des taupes dans le fumier et il a besoin... C'est pas vrai, bordel. Écoute-moi, machine. J'ai vraiment un voisin qui a des problèmes avec des taupes. C'est lourd, non? Bon, je me casse, hein, je vais devenir fou sinon. Je vais faire une sortie discrète. Je vais passer par la porte de derrière pour pouvoir... Et merde, allez, au vidazé.